Bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr pour le 17e numéro du mag. Cette semaine, comme d'habitude, toutes les news comics VO, VF, mais également l'actu des adaptations ciné et télé. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 17e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, Arnaud, salut. Clément, salut. Et Léo. Salut. Allez, on va attaquer sans tarder par le programme des news du côté des comics en VF. Et Arnaud, tu vas commencer avec la checklist de Panini. Oui, pour le mois d'août. Alors, déjà en kiosque, on peut noter la suite d'Axis dans Avengers et X-Men et dans Les Gardiens de la Galaxie. Aussi la suite de Spider-Verse dans Spider-Man 8. Donc tout ça c'est pour le 4 août. Le 14 août c'est la suite aussi de d'Axis dans cette fois-ci dans Marvel Universe. Et à noter, ce qui est intéressant, c'était le deuxième bimestriel Shield. On voit notamment l'apparition de l'agent Carter et de Ward Stark. Et du côté de la librairie, alors le 26 août, on a dans la collection Icons la ressortie d'une partie du run de Brubaker et Ebbing sur Captain America. Le dernier tome de Ghost Rider en 100% Marvel. Le Deluxe de Secret Avengers de Brubaker. Et ensuite, du côté de Fusion, il y a le 26 août, le deuxième tome d'America's God Power. Bon, une checklist plutôt chargé malgré le fait que ce soit le mois d'août. C'est surtout la fin du mois, donc. Ouais, oui, ils évitent le trou de la première quinzaine. Du côté des news de Panini, ils ont annoncé également en septembre la réédition en select de la série The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson, donc qui débarquera à partir de septembre avec un premier tome de plus de 300 pages pour 20,50€. Et puis Clément, tu vas nous donner des nouvelles de Graph Comics. Oui, à l'origine, les comics de Graph Comics devaient être envoyés, diffusés courant avril. Apparemment, ils ont eu des problèmes. Donc, Graph Comics a annoncé cette semaine qu'ils repoussaient leur lancement à octobre 2015, notamment parce que, du coup, vu qu'ils diffusent, ils vont diffuser leurs comics dans les lycées, je crois, enfin, les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires. Bah, ils vont pas le faire là cet été, donc ils vont annoncer ça pour octobre 2015, même si cependant ils vont quand même envoyer les contreparties donc ils envoient les contreparties, ils vont dire qu'ils enverront leur contrepartie avant. Voilà. Ok. Et puis pour terminer ce blog de News VF, si vous êtes du côté de Lyon ce week-end, n'oubliez pas, samedi et dimanche 13 et 14 juin, c'est la Comic Gone avec tout un tas de stars du comics qui sont présentes, Mahmoud Asrar, Declan Chalvet, Jordi Belair, enfin voilà, pas mal de grands noms, donc si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez pas. Sélection VF pour continuer, Arnaud, tu as retenu cette semaine 3 titres. Oui, donc déjà il y a plusieurs titres Glenna qui sortent, Pretty Deadly et Furious, mais j'ai surtout retenu les Letter 44, qui est en fait une histoire de Charles Soule, Alberto Jiménez Albuquerque, qui est en fait l'histoire du 44e président des États-Unis, qui au premier jour de son investiture découvre que les aliens existent. En tout cas, la NASA a détecté une construction extraterrestre sur une ceinture d'astéroïdes, et donc l'ancien président a envoyé des troupes pour préparer un éventuel affrontement. Et du coup, c'est cette histoire-là qu'on va suivre, comment ce nouveau président se charge de cette affaire d'Alien. Et ensuite, c'est une autre série de Glenna, Fiction Squad, de Paul Jenkins, Ramon Bach et Leonardo Pacioretty, qui est en fait plus ou moins un spin-off de Fairy Quest, qui est sorti, dont le deuxième tome est sorti il y a quelques mois chez Glenna, qui, donc, ça se passe à Bois des Comptes. Cette fois-ci, en fait, on suit un détective privé qui mène des enquêtes tout en s'inspirant de contes célèbres. Et le troisième, c'est le tome 2 de la saison 10 de Buffy, donc de Christos Gage, Nicholas Brandon, qui jouait Xander dans la série, Carl Moline, Cliff Richards, Rebecca Isaac et Richard Corben. Ouais, voilà. Pour le reste des sorties de la semaine, j'ai rien de particulier à rajouter. L'essentiel, en tout cas les trois titres, voilà, sont pour moi ceux qui seraient à consulter ou voire même à acheter. Donc pas de, voilà, pas d'ajout. On va passer à l'actu ciné. Clément, tu vas nous parler d'Aquaman. Donc une news est tombée cette semaine, donc on connaît enfin qui réalisera ce film. Donc ce sera James Wan, je vais prendre ça comme ça, donc qui a réalisé notamment Fast and Furious 7, Insidious et Conjuring. Donc c'est assez ouais, enfin, moi je sais pas quoi penser de ce choix, donc on Moi, je verra dis bien. non. On Tout verra ça. simplement, non. C'est assez particulier comme Ouais, choix, je sais très pas, enfin, particulier. Je m'y attendais au pas. vu de son, bah, c'est ça, au vu de son passé cinématographique, bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont aimé Insidious et Conjuring, mais après, qu'est-ce que ça va donner dans le genre des super-héros, de la même manière que, notamment, Scott Derrickson, va faire, qui lui a fait l'exorcisme, je crois, un des volets de l'exorcisme, va faire Doctor Strange. Bon, bah, à voir, j'attends de voir. Après, DC joue la différence, hein. Enfin, et les choix inattendus sont pas rares, ne serait-ce que pour le cast The Flash avec Ezra Miller. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Donc bon, ça, on continue dans la veine de se démarquer. Ils prennent surtout Ça des peut gens faire un de plaisir, la oui. maison, je pense. Il a réalisé Conjuring, qui est un film de Warner, et le scénario, c'est du mec qui a écrit les deux 300. Ouais, donc c'est Ça sent beaucoup le coup de je te fais signer un deal et tu vas réaliser deux films chez moi. Parce qu'il a aussi, il a aussi signé pour un autre film Warner. Donc, ça fait un peu genre, on te donne deux films, tu veux lequel? Tu veux Aquaman? Ok, on te filme. On a le temps Après, de voir venir, c'est ouais. 2018. Beaucoup de gens adorent ces films, mais je suis pas sûr qu'un. J'attends de voir parce qu'il a réalisé principalement des films d'horreur. Et puis, Léo, toi, tu vas enchaîner maintenant et tu vas nous parler d'une absence remarquée dans Civil War. Ouais, dans Civil War, pas de Samuel L. Jackson, ce qui veut dire pas de Nick Fury, ce qui est, enfin, et qui lui-même d'ailleurs ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été, enfin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été casté comme, enfin, pour ce film. Et j'avoue que moi non plus, je comprends pas. Mais après, vu que, alors, j'ai l'impression avec toutes les news que j'ai vues autour de Civil War, qu'il semble se démarquer un petit peu de l'histoire du comics d'origine. Donc peut-être qu'ils vont faire justifier ça, peut-être qu'ils évoqueront Nick Fury rapidement, surtout si on se base sur le comics ou par exemple ils vont avoir une base, mais Nick Fury ne sera pas présent à l'écran. Enfin voilà, un choix qui laisse dubitatif même Samuel L. Jackson lui-même, tant que mais bon, à voir là aussi s'il y a une justification scénaristique qui se cache derrière. Bah, c'est surtout qu'il est mort dans l'univers Marvel. Aux yeux des gens, il est mort. Hein. Et si je veux voir, c'est prendre position pour tel ou tel groupe. Hein. Et vu qu'aux yeux du monde, il est mort, il va pas dire « Bon, coucou, je suis revenu d'entre les morts et je suis pour un tel. Ça l'a « pas Oui, mais empêché Nick... » Ça paraît d'intervenir dans plus ou moins Avengers. justifié. Oui, mais il y avait pas de caméra qui le filmait. Après, je peux Oui, mais... comprendre la frustration Mais... de Jackson dans le sens où tout le monde a été rappelé pour ce film. Il y aura tout le monde. Ouais, sauf Oui, lui. c'est sûr. Non, et en plus, Nick Fury, on le voit dans Agents of Shield, enfin, ils en rigolent même pas mal. Ah. Nick Fury, c'est le mec qui se balade un peu partout, qui est secret, qui peut Après, réapparaître et disparaître. Voilà, ils peuvent faire une idée là-dessus. il peut très bien dire qu'il est pas, et en fait, c'est du tout faux, hein. Ce sera pas la première fois. Donc, Oui, et puis c'est dans un an, on a le temps de voir venir en plus là aussi. bon. Bon, à suivre, mais bon, Oui, ce à serait. suivre, ouais. Allez, on va passer les news comics VO maintenant. Clément, Ouais. on en voit un petit peu plus, même de plus en plus, sur le post-Secret Wars. Ouais, complètement. Donc c'est Marvel hein, qui a dévoilé, enfin, qui commence, qui a dévoilé quand même une grosse partie de son univers post-Secret Wars, avec une affiche qui est quand même bien surprenante sur pas mal de points. Donc on y retrouve quand même plusieurs super-héros qui sont pas forcément les plus connus, loin de là. On y retrouve Iron Man. On y retrouve un Daredevil en noir, le Docteur Strange, la Chose, donc qui apparemment ferait partie des gardiens de la galaxie, j'ai bien compris. Bah, le costume est un costume de gardien, en tout cas. Ouais, dans un costume de gardien, on aurait Rocket Raccoon, on y voit Star-Lord Peter Quill sans son costume. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'on voit deux Wolverines, le Old Logan en Wolverine et la nouvelle Wolverine serait X-23, donc la clone masculine pardon Féminine. de merci les oula féminine pardon de Wolverine. Il y aurait aussi apparemment Spectrum, que je connais pas. Citizen V, Hyperion et Médusa, je crois. Puis Doctor Strange. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Et apparemment, ça ne serait pas un retour. Non, ça a été répété plusieurs fois. Pas de reboot, même si on redémarre au numéro 1 à chaque série, pas de Un reboot. relaunch, quoi. Voilà. Encore. Ce qui est surprenant également, enfin, est-ce que c'est vraiment surprenant? C'est la destinée de Brian Bendis, Arnaud. Oui, et enfin surprenant, je sais pas. En tout cas, il y en a qui vont être heureux. C'est qu'il va s'occuper de Invincible Iron Man avec David Marquez. Voilà. Je dis surprenant dans le sens où tout le monde l'attendait sur Spider-Man. Beaucoup de rumeurs dans la semaine passée concernant ça, et puis finalement non, c'est Iron Man. Après, on sait que Marvel va clairement mettre en avant Iron Man, donc Bendis, bah, encore une fois, va avoir la grosse franchise de l'univers. Pour terminer sur Marvel, et puis terminer tout court sur les news VO, Arnaud, tu Oui, vas nous parler du retour des True Believers, les fameux numéros à 1$. et donc ce sera pour le mois de septembre. Marvel va ressortir quelques premiers épisodes de série. Et cette fois-ci, le thème, c'est les femmes chez Marvel. Et donc, on va avoir plein de séries avec des personnages féminins, dont Black Widow, Captain Marvel, Miss Marvel, She-Hulk, Spider-Gwen, Spider-Woman, Thor, Unbeatable Squirrel Girl, ta préférée. Et la princesse Leila. Donc, ça, premier numéro pour 1$. Voilà. Donc bon, voilà, moyen de faire redécouvrir des personnages, voilà, pour attirer de nouveaux lecteurs. On sort des numéros 1$, et là, clairement, on se tourne vers les lectrices. Allez, une petite sélection maintenant parmi les sorties de demain, mercredi, en VO. Et Clément Arnaud, c'est vous qui vous partagez cette sélection. Moi, du coup, je vais parler des quatre premières. Donc c'est quand même quatre, enfin il y en a parmi les quatre, il y a quand même trois grosses sorties à mon sens. Donc tu as le Batman 41 qui sort le 10 juin. Donc ça va être assez décisif parce que c'est l'après Endgame et ça s'annonce quand même très surprenant la tournure que le film va prendre. Ça a été dévoilé un peu dans le prix Comic Book Day, mais et puis même si on a lu la fin de l'épisode, je suis assez curieux de ce que va faire Snyder et j'ai un peu peur aussi parce que c'est très osé et c'est assez étrange à la fois. Donc ça, je pense que ça va être un numéro vraiment à suivre et qui doit être relativement entendu. On a aussi le retour de Constantine the Hellblazer, donc qui commence cette semaine, donc le 10 juin à 2,99$. On a la fin de Chrononauts, donc il y aura donc 7 numéros, donc une mini-série. Donc ça, à vous de juger. Moi, j'ai dû lire les deux premiers, c'est loin d'être polisson. Enfin, je crois que tu l'as lu aussi, Mathieu. Et Oui, c'est sympa, mais ça révolutionne rien, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et on a bien sûr la suite là d'un comics qui s'annonce à hauteur de saga, je dirais, Descender, donc qui continue sur sa lancée. Et je ne doute pas que ça va être toujours aussi bon. Voilà. Et Arnaud, pour les trois derniers titres de la sélection. Et tu parlais de saga, donc on a un nouvel épisode de saga, le 29, toujours par Brian Keoghan et Fiona Staples, et tout simplement, c'est la suite de l'intrigue autour de The Last Revolution, du groupe The Last Revolution. Il y a aussi le deuxième numéro d'Injunction, de Warren Ellis et Declan Shalvey, qui ont bossé avant sur Moon Knight. Et surtout, c'est le début d'une nouvelle série, de Brian Wood et Daniel Zeselj, je sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Starve, qui sort chez Image. En fait, c'est l'histoire de Gavin Cruikshank. T'en as de la chance. J'ai hérité aujourd'hui. J'ai hérité des, donc, de Gavin Cruikshank, qui est un ancien chef cuisinier célèbre, qui s'est exilé pendant plusieurs années, et qui revient pour un peu tout remettre en ordre, parce que son ancienne émission culinaire s'est transformée en un jeu qui s'appelle Starve, qui en fait met les chefs, les cuistots, ils doivent combattre les uns contre les autres pour faire plaisir aux riches patrons. Et du coup, il revient pour un peu remettre tout ça en ordre et redonner les blasons sur cette noble profession, selon lui. Ok, donc un projet à la fois ambitieux et clairement à part. C'est sûr. Mais c'est du image, normal. Oui, voilà. Ouais, c'était là. Allez, la section VO est en fait, on va passer à l'actu des adaptations télé et on va entrer avec Agents of Shield, Clément. Ouais, donc ça va être une news qui va plaire à Arnaud, je pense, et à tous ceux qui ont adoré Agents of Shield cette année. Donc deux personnages sont promus réguliers pour la saison 3. Donc Luke Mitchell qui jouait Lincoln, donc le Inhuman, si je dis pas de bêtises, et Henry Simons, donc qui jouait le personnage de Mac. Donc tous deux promus réguliers. Et du côté de chez Walking Dead, ça bouge aussi, Arnaud. Oui, c'est l'acteur Corey Hawkins qui a été engagé pour rejoindre la série et le groupe Alexandria, donc il jouera If, hein, qui est connu des lecteurs pour être un personnage apparu bien avant l'intrigue qu'on voit dans la série, puisqu'il apparu dans l'épisode 69 et que la série à peu près à l'épisode 79. Mais en tout cas, on va le voir et c'est un personnage important pour l'intrigue que la fin de saison a mis en place et l'intrigue des comics qu'ils vont adapter qui est très très importante et très intéressante. Et puis Clément, on va revenir plutôt du côté de Marvel dans un registre un peu différent de ce dont on a l'habitude de parler, puisque tu vas nous parler des séries animées. Ouais, des séries animées. Donc, deux séries ont été renouvelées. Donc les séries Ultimate Spider-Man et Avengers Assembly, mais avec des changements de titre. Donc ça deviendra Ultimate Spider-Man versus Sinister Six et Avengers Ultron Revolution. Alors au programme, l'agent Venom, Miles Morales, Scarlet Spider du côté de l'univers de Spidey, tandis que pour les Avengers, on va voir arriver Miss Marvel, Ant-Man, Captain Marvel et, aha, comme par hasard, Civil War. Voilà, Voilà. Marvel connecte un peu tout. Pour terminer la partie TV, c'est toi, Léo, qui va nous parler de Robert Kirkman. On parlait de Walking Dead il y a quelques minutes et justement, on a appris quelque chose sur Robert Kirkman cette semaine. Ouais, Robert Kirkman qui non content donc de faire Walking Dead et d'engranger un énorme succès Et a des signé millions de un dollars. deal. Et des millions de dollars, surtout des millions de dollars, avec les millions de spectateurs qui vont avec. Il a donc signé un gros accord avec AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead. Ce deal donc le laisse apparemment producteur exécutif de Walking Dead, du spin-off qui va arriver qui s'appelle Fear the Walking Dead, et d'un show télévisé d'interview qui s'appelle The Talking Dead. Donc Robert Kirkman va continuer à se faire du fric et cet accord donc laisserait porte ouverte à d'autres projets portés par Robert Kirkman, dont un qui avait fait un petit peu de bruit côté AMC en 2012 et qui s'appelait Thief of Thieves, le voleur des voleurs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, Kirkman donc s'implante durablement chez AMC. On va donc avoir probablement encore plus de Walking Dead, genre saison 6, voire saison 7. Et voilà, il va continuer à être présent, à agir sur la série et à guider. Donc voilà, AMC renforce son partenariat avec lui. On verra ce que ça va donner. Il peut faire les partenariats qu'il veut, mais s'il pouvait mettre un peu de qualité, hein, dans la série, ce serait encore mieux. Ah, t'es pas fan de Walking Dead donc. Non, pas vraiment. D'accord. Bon, en tout cas, avec cet accord, voilà, il va effectivement, comme tu dis, s'implanter encore plus sur la chaîne et apporter sans doute toutes les nouveautés comics qu'il est en train de signer. Voilà, il y en a pas mal donc de projets qui pourraient être adaptés à l'écran, donc a priori, ça serait plutôt sur AMC. Voilà, AMC donc ouais, enfin mise sur ce qui marche, hein, visiblement, et Robert Kirkman en est la figure de proue actuellement. C'est ça. Et bien voilà qui conclut la partie télé et qui conclut donc le mag de cette semaine. Du côté des prochains rendez-vous, on se retrouve jeudi pour sur nos écrans numéro 18 où on vous fera le bilan de la première saison de Flash. Ce week-end, on se retrouve pour une Padawan édition et mardi prochain le mag numéro 18. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut. Salut. Salut.